Oui, très bonne question. OK. Si physiquement nous sommes malades, cela a-t-il un rapport avec ce monde du périsprit? Et comment s'en défaire? Comment aider une personne à mourir? C'est parce qu'il y a d'autres parties. Pour aider une personne à mourir, on peut aller faire un tour dans les centres de détention. On peut s'informer. Je pense que ce n'est pas dans ce sens-là, Daniel, que la question. On va partir par la première, OK? Si physiquement nous sommes malades, cela a-t-il un rapport avec ce monde du périsprit et comment s'en défaire? Bon, défaire de la maladie, pas du périsprit. Absolument. La maladie, elle est de plusieurs ordres. Premièrement, on a des maladies qui sont planétaires, qui sont reliées à la basse densification de notre corps physique. Alors, un exemple d'une maladie planétaire, c'est quand tu déboules les escaliers et tu te casses une jambe. C'est une maladie planétaire. Bon, c'est un accident, mais c'est la même chose. Un autre genre de maladie planétaire, c'est une maladie qui est, encore une fois, reliée à la densification de notre corps physique et qui va faire en sorte que le corps physique a des tendances à devoir lutter. Il fait partie d'un écosystème de prédateurs et de prédatés. Alors, on aura donc, encore une fois, le phénomène des virus, bien souvent, des maladies transmises par les insectes, par les rats. Et évidemment, quand un chien t'attaque, c'est une maladie planétaire de cet ordre-là, prédateur, prédaté. On a des maladies qui sont de type karmique planétaire, en l'occurrence les maladies transmises sexuellement, les MTS, les maladies transmises le soir. On a des maladies qui sont karmiquement planétaires, comme la tuberculose, comme la peste bubonique et comme d'autres maladies de ce genre, la lèpre. On a des maladies qui sont karmiques sociales, et là on va faire référence au cancer du poumon, au cancer de la peau, à la majorité des cancers. Et finalement, on a des maladies qui sont d'ordre karmique individuel personnel, donc reliées à notre schéma de vie du point de vue astral. Jusqu'à date, le périsprit a été altéré, et c'est ça qui a engendré des maladies, mais le périsprit a été altéré par des conditions planétaires. Et on peut collectivement éliminer ce problème-là, mais on ne peut pas l'éliminer individuellement. Alors, le reste des maladies, qui sont quand même une grande proportion des maladies, ça va être des maladies reliées au karma, en l'occurrence au karma relatif, la culpabilité. Culpabilité qui peut être intra-amique, qui peut être conscience, qui peut être extra-amique. Et on a donc un paquet de maladies qui vont naître du fait que l'âme puise trop dans le périsprit. Et là, on va connaître les maladies comme les ulcères d'estomac, comme les thromboses cérébrales, comme les infarctus, comme les angines de poitrine, comme les problèmes de digestion, les problèmes, la majorité des problèmes artériels et veineux, les problèmes nerveux. Et on a un paquet de maladies, donc la majorité des maladies, les maux de tête, les maux d'yeux, les ci, les ça, la majorité des maladies que l'humain connaît aujourd'hui, avec lesquelles il essaie de se soulager avec les médicaments, sont des maladies de cet ordre-là. Des maladies qui font référence au fait que le périsprit est trop altéré, trop sucé, trop têté par l'ego, qui essaie continuellement soit de supporter sa propre identification, avoir raison dans une chicane, par exemple, être stressé parce qu'il a peur de mourir, donc il veut supporter l'idée qu'il est immortel, qu'il va rester vivant tout le temps, les fuites, et un paquet de choses dans le genre. Alors, si on regarde une personne qui se fait de l'embonpoint, ben, c'est une maladie de type astralo-péri-péri-spritique, une maladie qui est reliée à l'astral, à son ego, à l'âme, qui a trop besoin de stimulation énergétique reliée à la sécrétion endocrinienne lorsque la personne mange. Alors, nécessairement, l'âme voulant se nourrir, bien, de ce phénomène d'expérience, il oblige le corps à manger. Le corps mangeant, la personne devient obèse, mais ça reste une maladie d'ordre astral reliée au périsprit. Mais ça ne s'applique pas nécessairement à toutes les obèses? Ça ne s'applique pas à toutes les obèses. Il y a quelques obèses qui vont souffrir d'obésité, disons, pathologie karmique familiale, reliée à la génétique. Ils auront trop de cellules adipeuses, donc nécessairement, ils vont accumuler plus de graisse que d'autres personnes qui n'en ont presque pas. Comment s'en débarrasser de ces maladies? Comment s'en défaire? Eh bien, la seule façon de s'en défaire est de s'arranger pour détruire l'ego chez soi. Donc, moins l'être humain aura d'ego, plus il sera anégoïsé, moins il y aura ce genre de maladie. Et nécessairement, à la longue, l'être humain devra parvenir à détruire totalement son âme. Et lorsque l'être humain aura totalement détruit son âme, bien, premièrement, il sera immortel, et deuxièmement, il sera plus malade. Ce que tu dis, ça va très bien, mais habituellement, lorsque les gens prennent conscience de ça et commencent justement ce processus-là, ils deviennent plus malades, oui. C'est normal. L'être humain est un être qui tient à avoir raison, pensant qu'il est médiocre, qui se prouve qu'il a raison. Bon. Alors, une personne qui est sur une corde à 10 pieds de hauteur, eh bien, elle est tellement convaincue qu'elle va tomber qu'il faut bien qu'elle se donne raison. Alors, elle tombe. Bon. La personne qui ne sait pas qu'elle est à 10 pieds de hauteur, elle peut marcher sans problème. Mais la personne qui voit la hauteur, eh bien, ça ne marche plus. On a des individus, tu les fais pratiquer sur une planche 4 pouces, ça marche. Tu montes la planche à 15 pieds dans les airs, puis ça tombe, ça ne marche plus. Bon, il n'y a pas de monstre à l'horizon, il n'y a pas de vent, il n'y a rien, mais ça ne marche plus. Alors ça, c'est le phénomène de l'ego. Alors, comment on peut arriver à se débarrasser de ce phénomène-là? Donc, c'est ça, c'est en s'en égoïsant, en détruisant son âme. Détruisant son âme, nécessairement, on engendre le double éthérique. En engendrant le double éthérique, nécessairement, lorsque le corps physique, disons, ne peut plus contenir l'énergie qui l'habite, on parle de mort du point de vue des yeux biologiques qui regardent le corps, eh bien, l'individu se ramasse dans le plan moronciel avec son double éthérique, vu qu'il n'a plus d'âme. Étant donné qu'il n'a plus d'âme, il ne va pas dans le monde de la mort, l'endroit où vont les âmes à leur mort, à la mort du corps physique. Et qu'est-ce qui va arriver? Bien, il va arriver qu'à un moment donné, il va pouvoir se réincarner, mais d'une façon unitaire, c'est-à-dire qu'au lieu de se réincarner pluralitairement dans un corps physique, à ce niveau-là, à un moment donné, il y a un corps physique qui va l'attirer, c'est-à-dire que le double éthérique n'aura pas le choix. Alors, il va descendre carrément dans un corps, mais le corps qui va l'attirer devra être un corps que le double éthérique devra posséder. C'est-à-dire qu'on parle de réincarnation. Réincarnation en ce sens que tu reviens dans un corps, incarnation, mais c'est plutôt une incarnation du point de vue de l'individu parce que finalement, il n'est pas mort, il quitte le corps, il revient dedans, mais ce n'est pas le même, on serait plus précis de parler d'incarnation que de réincarnation pour faire une nuance philosophique entre la reprovenance du monde de la mort. Ça dépend du point de vue. C'est ça. Dans certains cas, c'est une réincarnation, puis d'un autre point de vue, c'est une incarnation. Exact. Donc, du point de vue réincarnation, ça peut être une incarnation aussi. Oui, si, du point de vue de l'humain, parler, c'est ça. Donc, le double éthérique constitué conserve l'identité, disons, matrice de l'énergie atomique qui, avant, habitait un corps moléculaire, un corps organique. Il n'y a plus d'âme ou presque plus d'âme. Bon, dans le séminaire de la fin de semaine, j'explique beaucoup plus amplement le phénomène. Qu'est-ce qui arrive si tu as commencé à créer ton double éthérique, mais que tu meurs avant? Est-ce que tu le perds? Tu le récupères-tu? Est-ce que tu le récupères? Est-ce que tu peux digérer un double éthérique préconstitué, mais pas fini de quelqu'un d'autre qui est en affinité que toi pour t'aider à faire le tien? Bon, il y a plusieurs phénomènes. Disons, tout à l'heure, tu suggérais de faire une série de 4 conférences sur la réincarnation et la mort, parce qu'on à peine on touche à de quoi. Bon, au niveau du séminaire, on passe plusieurs heures, là. Alors, j'ai quand même sauté qu'il y a certaines étapes. Ceux qui ont des questions, bien, effectivement, il y a plusieurs autres points. Mais on va arriver à notre individu qui a un double éthérique constitué, donc qui est mort lorsqu'il avait un double éthérique, soit fusionné, soit non fusionné, alors que des personnes, présentement, il y en a plusieurs au Québec, qui commencent à créer un double éthérique. Ils vont mourir avant, physiquement, avant de pouvoir fusionner leur double éthérique. Alors, une grande partie va aller dans le plan moronciel, dans le monde de la mort, il se passera des choses. Mais l'individu, qu'est-ce qu'il fait? Il ne peut pas revenir dans un embryon. Pourquoi? Parce que l'embryon ne peut pas exprimer l'intelligence du double éthérique. Il ne peut pas revenir dans un enfant qui vient de naître. Il ne peut pas revenir dans un enfant de 6 ans. Mais il pourra revenir dans un enfant nouveau qui aura vécu une identification astrale à entre 3 et 6 ans et un enfant nouveau qui sera rendu vers les 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ans. Dépendant évidemment du cycle temporel, si on parle dans 10 ans d'ici, ça sera vers 9, 10, 11, ça sera vers 10, 11, 12, 13, 14 ans, puis dans 400 ans d'ici, alors que la majorité des Québécois auront une conscience plus ou moins supramentale, eh bien, ils pourront revenir dans un enfant plus jeune. Lorsque l'enfant a un système endocrinien suffisamment par maturation génétique, donc l'enfant grandit, c'est la génétique qui décide à quoi il va ressembler, lorsqu'une grande partie de la programmation neuronique, donc cérébrale, c'est-à-dire au niveau des neurones, des cellules gliales, ainsi que de tout le système hypothalamien, thalamien, le système endocrinien au complet, sera parfait, c'est-à-dire fini, il ne sera pas parfait dans le sens du qualificatif, mais il sera parfait dans le sens fini, eh bien, notre individu pourra venir incarner cet enfant-là. Et l'incarnant, il devra dire à l'ego dedans que l'ego dedans doit gagner le monde de la mort. Ou bien il le digérera, ou bien il fera une entente avec lui, il fera un paquet de choses, comme dans le cas de Jésus et du Christ, à un moment donné. OK. Est-ce que ça rejoint ce qu'on a parlé à la conférence du mois dimanche passé sur les walk-in? Sur les? Walk-in. Hein? Okay. Marcheur intérieur. Juste une petite chose, c'est que c'est ça, c'est que de temps en temps, on a des individus qui sont extrêmement évolués. Ce sont des choses, justement, sur lesquelles on vient de temps en temps à conférence du mois, conférence adresse aux séminaristes. On a des individus qui sont relativement évolués, qui n'ont pas un corps physique en bon état, qui ne peuvent pas amener leur corps avec eux dans leur mort, et trop évolués d'une façon de cosmique, donc ils ont un contact supramental, ils sont trop utiles intelligemment pour qu'on les envoie dans le monde de la mort. Ils n'ont pas de lobe éthérique peut-être suffisamment constitué, alors ce qui peut arriver, il peut arriver que la personne qui meurt va réintégrer le corps d'un autre individu qui veut se suicider ou qui meurt ou c'est un accident, et dont l'importance cosmique est moindre. Alors, la personne qui meurt va simplement changer de corps. On appelle ça un marchand, un promeneur intérieur, un walk-in en anglais. Alors, ça fait référence un peu à ça. Alors, Daniel, on a seulement posé la première partie d'une question à quatre volets ici. On a tout ça. Alors, je pense qu'il va peut-être falloir accélérer les réponses. Bon, moi, je vais répondre comme je réponds, mais pose ces questions plus vite. OK. OK. Sans relation avec le parrain, là, comment aider une personne à mourir? Comment aider une personne à mourir? C'est extrêmement simple. On doit jaser avec la personne de ce qu'elle veut jaser. Et on doit considérer qu'elle va mourir si elle le sait. On doit savoir qu'elle va mourir si elle le sait. Et on ne doit pas valoriser sa mort. On ne doit pas parler du petit Jésus, ces choses-là, parce que lorsque la personne est rendue sur le bord du seuil, il y a plusieurs choses qui ne servent à rien. Si elle nous en parle, on en parle. La meilleure chose à faire, étant donné qu'habituellement, l'humain qui va accompagner un mourant vers la mort ne connaît pas la mort lui-même, dans la majorité des cas, disons presque 100% des cas, eh bien, nécessairement, la meilleure chose à faire, c'est de dialoguer avec l'individu comme un enfant dialogue avec nous autres, c'est-à-dire qu'on le laisse venir et on ne fait que paramétrer ce qu'il fait, ce qu'il dit. C'est la meilleure façon d'accompagner quelqu'un vers la mort. La personne qui dit « Oui, mais je vais mourir », l'autre répond « Ben oui ». Mais c'est pas nécessaire de dire « Ben oui, comme tout le monde, moi aussi un jour je vais mourir ». Elle va dire « Oui, toi un jour, dans 50 ans, d'ici, tarte ». Ça va être le temps d'avoir le film. Non, ça ne sert à rien de motiver, d'encourager. On ne peut pas encourager une personne qui va mourir. Ça ne sert à rien. Il faut être excessivement mental. Il faut être mental, il faut avoir aucune émotion. Et il ne faut pas se projeter dans l'autre. Puis il faut simplement l'accompagner dans ce qu'il veut jaser. Si l'individu a envie de pleurer, il pleurera après. Exact. Il pleurera, mais pas avec la personne qui est en train de mourir. Comment puis-je me définir moi-même en tant qu'individu si je ne suis qu'un mélange d'égrégores? On ne peut pas se définir en tant qu'individu. Toutes les traditions planétaires ont essayé d'enseigner à l'homme le « connais-toi toi-même », alors que l'être humain ne peut connaître que ce qu'il était dans le passé. Il ne se connaît jamais lui-même. Pourquoi? Parce que régulièrement, ça se réincarne en mémoire chez lui, donc de jour en jour, il change. Il change aussi à partir de la cellularisation qu'il apporte à son corps physique au cours des expériences de sa vie. Le « connais-toi toi-même » est une farce absolument monumentale. Ce serait plus facile de dire « connais les autres » que connais-toi toi-même. L'individu s'identifie comment, étant donné qu'il est que d'une fusion astrale de différentes mémoires au niveau de son corps physique. C'est évident que du point de vue de l'ego, c'est quelque peu traumatisant. Sauf qu'une chose certaine, c'est que si on croit à la réincarnation, on ne se rappelle jamais nos vies antérieures. Ça va de soi. Il y en a tellement eu fusionné, mélangé ensemble, que finalement, c'est bien dur à retrouver. On s'est hypnotisé, on fait un voyage astral, puis là, on va lire la vie de n'importe qui nous a réincarné ou qui ne nous a même pas réincarné. Puis après ça, bien là, vu qu'on a eu attrait au monde astral en vivant ce canal-là, on lui permet une réincarnation chez soi. Alors, on pense qu'on a été ça. Maintenant, on s'en rappelle plus clairement. Tu viens juste de le réincarner, mais le reste, tu l'as pas vu, premièrement. Et l'être humain est autre chose que de la mémoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a le corps physique, où il y a de l'intelligence qui habite l'homme, ce qui fait dire à l'homme qu'il est là, je suis. Mais ça ne peut pas rien dire d'autre, ce que tu veux rajouter d'une coloration. Je pense donc que je suis, c'est faux. Tu n'as même pas besoin de penser pour savoir que tu es là. Donc, la pensée, c'est une farce. Alors, l'être humain, il est là, c'est une conscience. Cette conscience-là, c'est lui. Mais cette conscience-là, elle n'a tellement pas de poids. Elle est tellement subtile, elle n'a tellement pas de poids dans la matière que finalement, l'âme, qui est beaucoup plus basse au niveau de la densification, prend beaucoup plus de poids, donc d'importance, dans ce qui réfléchit par le système neuronique, la conscience de l'âme. Alors, au lieu de réfléchir à la conscience de l'homme, ce qui va être réfléchi, c'est la mémoire de la conscience de l'homme qui constitue l'âme, qui provient du monde de la mémoire, de la mort, qui est le monde des mémoires. Alors, finalement, à travers tout ce que nous voyons de nous, nous ne voyons que la mémoire de ce que nous sommes. Et c'est cette mémoire-là qui meurt, qui gagne le monde de la mort. Et lorsque nous sommes libérés de cette mémoire-là, il reste une conscience. Fais attention, c'est que l'individu qui meurt, meurt. Physiquement, il gagne le plan mort au ciel, il rentre dans le monde de la mort. La conscience l'habite présentement. Gagner le monde de la mort, l'individu, c'est un peu faux. Il faut comprendre, bon, c'est d'essayer d'arriver à expliquer le fait qu'on a deux consciences mélangées. Alors, ce qui va arriver simplement, c'est que d'un certain point de vue, lorsque nous gagnons, lorsque nous mourons, à l'étape actuelle des choses, Nous constatons le corps physique, nous voyons en voyage astral, donc en extra-conscientisation astrale le monde. Et nous voyons des entités lumineuses qui viennent vers nous, ces entités, périsprétiques du monde de la mort. Et puis, lorsque ces entités viennent vers nous, eh bien, on se rapproche du monde de la mort. Lorsqu'on touche le monde de la mort, eh bien, pouf, il se passe quelque chose. Il se passe quoi? Il se passe que d'un point de vue, subitement, tout change. Tu es totalement libéré de tes mémoires. Tu es libéré de tes appréhensions, de tes désirs, de tes craintes, de tes espoirs, de ton passé. Subitement, instantanément, tu as accès à toute l'information planétaire du monde depuis le début des temps, parce que tout est cumulé dans le présent. Tu as accès à tout cela, mais tu ne peux pas t'en servir. Mais tu peux comprendre, tu vibres, et tu n'as plus aucun problème. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il se passe simplement qu'il ne se passe rien. Puis à un moment donné, tu vas percevoir que tu vas retrouver un corps physique, que tu reviens vers le plan planétaire. À ce niveau, tu ne peux pas, dans le monde, dans le plan mondial, tu ne peux pas comprendre le rôle de l'homme sur la planète Terre parce que tu es toujours en dessous du monde de la mort, tu n'as pas accès au contact avec les cieux, donc le phénomène supramental, bouddhique ou divin. Tu peux donc, tu as conscience de ce qui arrive, puis à un moment donné, tu vas geler. Tu vas recommencer à avoir un désir. Tu vas recommencer à avoir peur. Tu vas recommencer à souffrir. Tu vas recommencer à percevoir des choses d'une façon plutôt corporelle. Tu vas sentir que tu peux maintenant sentir ta présence. Donc, tu peux me dire que tu bouges, alors qu'à l'époque, tu ne peux pas. Et puis, à un moment donné, tu vas te sentir étouffé. Tu vas te sentir écrasé. Tu vas sentir que tout le monde veut te détruire complètement. C'est-à-dire que tu vas te sentir extrêmement écrasé. Et puis, finalement, tu vas te sentir gelé. Et puis, tu vas être ce qu'on appelle le venu au monde sur la planète Terre. Ça, c'est ce qui arrive avec la conscience. Maintenant, juste... Ça, c'est ce qui arrive avec la conscience dans l'homme. Donc, nous ne sommes pas des mémoires. Mais pourquoi que tu commences à t'endormir, à puis comprendre, à souffrir, c'est que lentement, un corps physique t'attire. Lentement, du plan moronciel, tu descends dedans. Maintenant, le poids astral se réincarne par-dessus de façon à pouvoir créer un tampon entre ton énergie à toi qui brûlerait le corps physique et le corps physique, c'est l'âme. Il y a l'esprit, mais le peu d'esprit qui descend. C'est-à-dire, l'esprit est là, mais l'esprit n'arrive pas à s'exprimer, donc on parle du peu d'esprit. Et lentement, l'âme vient, l'âme se crée, ça se réincarne au travers de toi. Tu vas colorer, lentement tu refroidis. Et puis finalement, tu es dans le ventre de ta mère, la conscience est suffisamment plantée là pour sentir le mouvement. Puis quand tu accouches, nécessairement, tu t'étouffes, on t'écrase, les contractions de la mère. Puis à un moment donné, tu arrives dehors, puis là, tu comprends plus grand-chose parce que tu es redevenu humain, c'est-à-dire que tu es recoloré par l'expérience planétaire de l'homme et tu es maintenant un enfant. Étant donné que le poids astral est plus imposant que le poids de l'esprit, encore une fois, qu'est-ce qui va s'exprimer par le système neuronique et le système endocrinien, c'est ce qui est plus proche du corps physique. Ça sera premièrement le corps physique, deuxièmement le corps vital de la vie, troisièmement le corps astral, quatrièmement le corps mental vers l'adolescence de l'astral, normalement entre 9 et 75 ans, dépendant des individus. Et en dernier, le phénomène supramental, qui là, lui, est tout à fait coloré quand il sort par le corps physique. Or, l'individu mémorise la conscience, et il mémorise la mémoire de la conscience, il mémorise la mémoire de la conscience, et il appelle ça « je », « moi ». Et lui, quand il meurt, ce phénomène mémoriel-là qui est l'âme, eh bien, là, on a un autre point de vue, il gagne le monde de la mort, il voit le corps physique, il panique un peu, il ne comprend pas ce qui se passe, les belles entités viennent le chercher, alors il est tout barbouillé d'enthousiasme, il monte, il se connecte au monde de la mort, il rentre là-dedans, et puis là, la vie est belle, tout est correct. Et à un moment donné, la partie qui souffre beaucoup, la partie colérique, subitement, ne souffre plus. Parce que toute la partie qui l'empêchait de colérique est maintenant détachée. Alors là, elle est en colère, puis là, c'est au bout. La partie qui, elle, était pacifique, subitement, ne souffre plus. La partie colérique vient d'être détachée. Puis là, elle est en train de se faire 5 dents en 1000 morceaux. Chaque partie est mieux qu'avant, parce que chaque partie est plus sous le contrôle, soit négatif ou positif, d'autres structures astrales par-dessus et en dessous d'elle. Et là, elle est bien. Alors, la tradition dit, tu rejoins ceux que tu as connus, tu as aimés, pour l'éternité. Pour l'éternité, ça va là, tu fusionnes aux autres, donc c'est pour l'éternité. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une digestion totale, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque partie de conscience a l'impression enfin d'être libérée. Bon, la partie colérique, enfin, je suis libre, tabarne. Bon, elle est heureuse. La partie gustative, bien là, elle goûte, elle est mélangée, elle est mémoire, elle est bon, puis le gâteau, elle est bien. La partie spirituelle, elle rencontre les maîtres, les saints, au bout, mais finalement, tu ne te rends pas compte qu'il y a une solution. Il n'y a pas de souffrance comme l'humain le pense. Puis l'important, ce n'est pas. Toute cette phénoménologie-là, elle donne une expérience au monde de la mort, mais ça, c'est pas grave. C'est utile et important. Par contre, l'esprit, ce qui crée l'importance de l'homme, du corps, de l'âme, etc., dans le phénomène même des évolutions humanitaires, l'esprit, lui, il reste, il est assujetti à une conscience morontielle, donc en delà du monde de la mort, mais il n'est pas coloré, et il a accès à tout ce qui traverse le monde de la mort par contact supramental, il voit la création des doubles éthériques, il n'a pas l'énergie d'en devenir un. À un moment donné, il y a des processus de réincarnation, il peut se réincarner à travers une personne qui est suffisamment puissante, qui est du même faisceau qu'elle, mais ce sont des phénomènes comme ça. Alors finalement, qui je suis, ceci, cela, on est ce qu'on est. Et ça, si on le comprend, c'est pas de problème. Si on est pacifique, on restera pacifique. Tout le reste va s'en aller pourrir. Si on est colérique, on va rester colérique. Tout le reste va s'en aller pourrir. Et finalement, notre conscience va rester. Quand on se mixe pour se réincarner, eh bien, si toi puis moi, on se mixe, j'aurai l'impression de me réincarner. Tu auras l'impression de te réincarner. Jamais on s'estimera. Mais on sera ensemble. Puis là, je me dirais, tiens, je me lance en affaires. Puis tu diras, tiens, on va faire du sport. Mais ça, c'est moi. Ça, c'est toi. Mais la guerre, la chicane, absolument pas. Non? De toute façon, il faudrait prendre des heures et des heures au niveau du séminaire, c'est ce que je fais. Fait que la personne, si elle veut avoir plus d'informations à un moment donné, bien là, dans le séminaire, on est tête à tête, on discute, on parle, c'est plus commode. En passant justement du séminaire, c'est la semaine prochaine, la fin de semaine prochaine, je pense. Hein? Ah bon, je pensais que j'étais en vacances. J'ai entendu dire ça tantôt, faudrait que je vérifie. Je suis pas sûr. Pourquoi le Christ a-t-il permis de se faire têter à sa mort? Pourquoi ne s'est-il pas fait incinérer afin d'apporter davantage? Il s'est incinéré. Or, le Nazaréen sur la croix s'est scindé en deux, une partie christique qui est partie, hein, comme je dis souvent, qui a crissé son camp. Alors, la partie christique est partie. La partie Jésus est restée, et c'est la partie Jésus qui chiale le Père, pourquoi m'as-tu abandonné, parlant du Christ qui constituait la fusion des deux, le Nazaréen. Et lorsqu'on prend le corps et qu'on le met dans le tombeau, quelques heures après, le corps est totalement éthérifié. Le corps devient un corps de lumière et il disparaît. Et alors, lorsqu'on va ouvrir le tombeau, bien, il reste du linge, il reste des traces, il reste rien dans le tombeau. Et là, on dit, là, il est sorti, mais il n'est pas sorti 100% de la pierre. S'il serait sorti 100% de la pierre, il ne l'aurait pas remis là. Et puis, on dit qu'elle était ouverte après, mais il fallait bien trouver des explications. Le corps a été terrifié. Donc, le corps du Christ et de Jésus a été amené avec lui à sa mort. Maintenant, les seules traces qu'il a laissées, ce sont des traces événementielles dans le sens extrêmement harmonisant. La crucifixion, l'idée même de Longinus qui vient planter la lance du destin dans les côtes du Nazaréen, le tremblement de terre ainsi que l'éclipse partielle à la région, mais totale à Rome, qui s'est passée, et plusieurs choses dans le genre, la transformation d'un Melchisédek, entre autres, qui va se pendre parce qu'il a voulu que Jésus devienne le roi des Zélotes, le roi donc de la première guérilleros. Judas qui finalement se rend compte que Jésus de toute façon devait mourir, même si Judas a tout fait pour l'empêcher de se faire crucifier, va se sauver. Il ne se pendra pas, c'est Melchisédek qui se pend. Alors, il y a toute une tradition qui va être léguée et laissée, simplement pour que les humains conservent en mémoire, et le Nazaréen, pour ne pas laisser de mémoire têteuse de son corps physique, va laisser une tradition, celle de la messe, entre autres, qui est un repas. La messe, on mange à la messe. Là, on mange un hostie, mais donc c'est un hostie de messe, mais enfin, c'est limité. Alors, c'est le repas. Et puis, le Nazaréen va donc laisser cette tradition-là avec des égrégores qu'il aura construits, égrégores qui devront être supportés, nourris par Pierre, l'un des apôtres qui a le plus douté de lui, et donc il n'a jamais été têté dans le sens où on peut penser jamais. Jamais. Oh, parce qu'il était parti déjà. Oui, tu sais ce que Jésus a dit, à un moment donné, il était sur la croix, puis on a beaucoup trop de questions. On a pas... Ah, dis-le, parce que je sens qu'elle ne sera pas longue, celle-là, dis-le. Ah, ben, c'est... En fait, là, c'est passe. OK, on va passer, mais j'ai juste une petite question suite à ça. Lorsque l'individu meurt, tu as expliqué tantôt qu'est-ce que c'est qui se passait au niveau de ses cellules, au niveau de la tombe. Le Nazaréen ayant fait son corps de lumière après sa mort, quelle est la différence? Bon, le nazaréen, lui, c'est un phénomène extrêmement avancé de fusion double éthérique, plan supramental, plan bouddhique et corps humain, donc phénomène planétaire. Lorsqu'il quitte le corps de chair de Jésus qu'il avait possédé vers l'âge de 8 ans, lorsqu'il quitte le corps de chair, il reste l'enfant Jésus dans un corps d'adulte planté sur des clous. Alors lui, nécessairement, aider l'intelligence, il n'aime plus trop ça. Ça ne paye pas. Il y en a d'autres qui ont payé pour comme ça. Alors, qu'est-ce qui arrive? Il arrive simplement que le corps de Jésus doit mourir. Premièrement, l'âme de Jésus, l'ego de Jésus ne peut pas rester dans un corps d'adulte meurtri, planté sur une croix. Il ne comprend pas ce qui se passe là. Et finalement, donc, cet ego-là meurt, ou va donc vivre un contrat qui est organisé entre Nazaréen puis lui, entre Christ et Jésus. Le corps lui-même, on le défait, on le met dans un tombeau. Le Nazaréen, qu'est-ce qu'il fait? Premièrement, il ne peut pas, le Nazaréen lui-même, à la mort de son corps physique, gagne le monde de la mort, pour aller récupérer une grande partie des personnes qui ont expérimenté de la vie sous le même faisceau de conscience que lui, donc un faisceau christique que je numérote comme étant le 14e faisceau qui descend à l'échelon planétaire. Présentement, il est totalement résorbé. Il reste 13 faisceaux, dont un qui est lazaréen, presque résorbé, et 12 faisceaux, d'ailleurs que chacun de ses apôtres était représentant d'un de ces faisceaux-là, qui pullulent sur le plan planétaire. Alors, il est allé dans le monde de la mort, descendre aux enfers, donc il a récupéré ce qu'il avait récupéré de ceux qui vivaient du même faisceau que lui. Et par la suite, il revient donc chercher le corps physique, mais le corps physique, il n'est pas mort. En réalité, ce n'est pas le corps de chair qui est venu chercher, c'est simplement la structure atomique du corps de chair. Et nécessairement, éthérifiant la structure atomique, il détruit carrément le phénomène atomique, et il n'y a plus de corps de chair. Tandis que Jésus n'est plus dans ce corps, Jésus est dans le plan moronciel, en attente de quelques secondes, en attente, disons, de près de 2000 à 1990 ans, un peu moins que ça. OK, mais... 160 ans. C'est ça, mais il a pris les mémoires de son corps physique pour le refaire avec son corps éthérique. C'est-à-dire qu'il est, oui, il est venu chercher toute la structure atomique, formique, donc la forme du corps physique du corps de Jésus, que lui-même avait modifié, alchimisé, transmuté par sa présence, et il est venu appuyer toute la structure évolutive de sa conscience dans un corps atomique, matériel, qui est le plus bas fond de la coulée d'énergie avant qu'elle recommence son ascension. Alors, il avait donc extrêmement d'énergie en haut, il était capable de ramasser ce qu'il avait de plus bas. Et ça, il est parti avec ça. Donc, le corps physique du Nazaréen est disparu. Il n'est même plus dans le contexte moronciel. Il n'est pas dans le monde de la mort. Il est dans les cieux, c'est-à-dire qu'il est dans le plan intentionnel présentement. Et puis, on va passer parce qu'il n'y aura ça, pas de fin. Ça, après, il y a beaucoup de questions. Oui. Puis... OK. Où loge l'anti-âme, exemple l'estomac, a-t-il une conscience anti-humaine? Bon, le phénomène stomacal, oui, bon, mais l'anti-homme loge. Si on veut faire des liaisons anatomiques, l'anti-homme loge dans tout ce qui a trait au phénomène sexuel hormonal autre que la procréation. Il loge dans la majorité du système cérébral. Alors, on aura la gustation, justement, de l'alcool, on aura la gustation de l'estomac, on aura la gustation. Du phénomène tactile lors des relations sexuelles, il loge à peu près exclusivement dans le thalamus, là où va être décortiqué tous les messages amenés par le corps physique. A-t-il une conscience anti-humain? Ça va de soi, non, il y a un anti-homme planétaire qui de temps en temps, est asservi par des forces lazaréennes, en l'occurrence, lors de certaines révolutions, de changements radicaux de pays ou de guerres mondiales, entre autres. Il y a un anti-homme planétaire, et chaque être humain a un anti-homme personnel, c'est très intéressant, on peut au moins se vanter de ça, qui nous crée un paquet de problèmes et qui nous empêche royalement d'évoluer. Quand je dis que l'anti-homme est un facteur d'évolution, c'est vrai. L'anti-homme est un facteur qui nous oblige à évoluer, mais nous obligeant à évoluer, nous oblige à parfaire le travail qu'on a à faire ici, c'est-à-dire qu'il nous permet, il nous oblige à augmenter notre conscience tout en conscientisant la matière, parce qu'on n'est pas gagné de temps. Le phénomène anti-humain, anti-homme, c'est le phénomène qui nous oblige à rester bien planté dans la matière, même si on a une conscience qui a une tendance sioleste. Mon anti-homme veut toujours quitter le corps, même si c'est cellularisé. Est-ce des mémoires de personnes suicidaires ou est-ce seulement parce qu'il ne veut plus lutter? Bon, et maintenant, il y aurait évidemment à savoir si c'est l'anti-homme qui veut quitter le corps physique ou si c'est simplement le corps vital de la personne qui a une tendance au déphasement. Ce qui se peut, il y a certaines formes de pathologies qui engendrent un déphasement vital et qui peuvent entraîner à la longue, chez certains individus, des problèmes psychiatriques. D'autres individus n'auront pas de problèmes psychiatriques, mais auront des problèmes suicidaires. Mais c'est seulement le corps vital qui a une tendance au déphasement. La personne a toujours l'impression que quelque chose veut partir ou qu'elle est assise à côté de son corps ou des choses dans le genre. Eh bien, pourquoi suicidaire? Parce que l'ego a tellement peur, ne comprenant pas ce qui lui arrive, que finalement, l'anti-homme détruit le corps physique pour regarder le monde de la mort. Alors la personne, avant de penser que c'est son anti-homme qui veut toujours la quitter, parce que si son anti-homme veut la quitter, ça fait longtemps que l'anti-homme est parti. Il n'y a rien qui va retenir un anti-homme. Ça ne pourrait pas être le corps astral, Daniel? Oui, on parle de corps astral, mais en réalité, c'est le périsprit, donc c'est le corps vital qui a une tendance au déphasement. Ça crée des extra-conscientisations astrales, qu'on appelle des voyages astraux, mais en réalité, on ne voyage pas. Alors, il y a ceci, et normalement, la personne, ce qu'elle devrait faire pour commencer, c'est ce que je dis souvent, ça fait rire un peu les gens, c'est de manger de l'ail. Ça colle le corps vital au corps physique. Peut-on être conscient où en est rendu la constitution de notre double éthérique? Oui, on peut être conscient de l'endroit où est, disons, de la phase de construction du double éthérique, et on en est conscient seulement lorsque le double éthérique est presque fini. Je viens de le dire. Oui, mais non. Le frisson est-il une perte d'énergie vitale? Bon, ça, c'est une bonne question. Effectivement, on ne parle pas du frisson thermique. C'est sûr que si on a froid, on frissonne, mais ce n'est pas la même chose. Si on parle du frisson dans le genre, on est assis ce soir dans une petite salle un peu noire, et puis on joue aux cartes, puis finalement, on commence à parler de médium, de vampire, puis de... Puis à un moment donné, là, on sent des énergies passer. Il y a des énergies qui passent, oui, ils sortent. Alors, c'est pas une entité qui vient de nous traverser, puis... Non, c'est simplement notre énergie, notre corps, notre périsprit qui essaie de se brancher par l'ajusteur réincarnationnel à des endroits du monde de la mort qui pourraient nourrir ce que nous sommes en train de faire. Alors, on pourra avoir plus peur, on pourra se dynamiser à avoir peur, et de temps en temps, il y a une succion totale d'énergie vitale au niveau du périsprit, pourquoi? Et du corps physique, ce qui nous rend plus influençables parce qu'on l'amincit. Hein, j'ai déjà expliqué que plus on avait le périsprit épais, moins on est influençable. Plus vous êtes épais, mieux c'est. Plus, moins on est épais, plus on est influençable. Alors, lorsque on a ce symptôme énergétique, eh bien là, on est de plus en plus influençable et on perd de l'énergie. Comment on fait pour empêcher cela? C'est sûr que si on prend... acte réflexe dans l'interpréteur actionnel du périsprit, et celui-ci se protège immédiatement, c'est-à-dire qu'il raffermit sa constitution et ça bloque énormément de manipulations du point de vue du monde de la mort. Alors les frissons disparaissent, etc. C'est sûr que si on se frotte le corps, ça l'aide aussi. Pourquoi? Parce qu'on le magnétise à partir du corps physique et ça l'aide énormément à bloquer l'expression astrale dans le corps physique. L'astral, ne lisant plus cela, il ne peut pas savoir que ça se passe, ne sachant pas que ça se passe. Vu que pour lui, ça ne se passe plus, il ne se passe pas, il se déconnecte, il fait d'autres choses, donc on regarde. Quel est le rôle cosmique de Jean le Baptiste? Théologiquement, préparer la venue du Messie, à part avoir une grande gueule, une tête forte au point de se la faire couper, quel fut son rôle à l'époque et aujourd'hui? Quelqu'un qui attend la réponse. Ah oui, ça lui plaît, celui-là, voilà, ça, c'est histoire. J'aime mieux son chien, mais... Bon. Un jour, mon bateau arrivera à Kip, et avec ma veine, je serai probablement à l'aéroport. C'est exactement l'humain, n'est-ce pas? Le rôle de Jean le Baptiste, présentement, c'est de séparer Québec. C'est de quoi? Hein, c'est d'engendrer et de nationaliser la province de Québec, en faire un pays. Est-ce que participer à un séminaire change quelque chose au flot réincarnationnel? Ça dépend. C'est le corps physique qui participe, absolument pas. Tandis que c'est l'être humain qui vient là, bien, plus l'être humain a de la possibilité d'instruire son ego, donc de comprendre des choses, nécessairement, il enligne sa vie différemment. Surtout que du point de vue du séminaire, tout ce qui traumatise un ego peut être répondu si la personne amène des questions. Si elle n'amène pas des questions, mais moi, je m'arrange pour stimuler suffisamment. Et au niveau énergétique, l'individu arrive à monter à un point particulier où elle arrive à comprendre un paquet de choses qu'elle ne comprenait pas. Et le mois qui va suivre, ou les quelques mois qui vont suivre, elle va digérer des choses qu'elle ne comprenait pas. Nécessairement, ça change sa perception du monde. Changeant la perception du monde, elle s'enligne différemment du point de vue de sa conscience. Elle devient plus autonome. Et elle comprend le phénomène de manipulation. Elle se libère de ces choses-là. Et ça entreprend un phénomène réincarnationnel d'un ordre différent. c'est-à-dire qu'elles commencent à réincarner des personnalités qui ont une ascendance évolutive, plutôt que juste des personnalités qui ont une ascendance expérientielle, qui veulent vivre du point de vue du monde de la vie. Alors l'individu peut avoir plus de problèmes après le séminaire, en ce sens qu'elle se posera plus de questions. Maintenant, elle a accès à des conférences plus spécialisées, donc elle peut avoir des réponses plus poussées. Et nécessairement, après un séminaire, l'individu, justement, est brassé un peu, parce qu'au lieu de réincarner que des entités qui veulent vivre d'une vie plate ordinaire, qui n'est pas plate pour ces entités-là, eh bien, elle commence à vivre d'une vie plate, mais non ordinaire, qui n'est pas plate, finalement, pour ceux qui évoluent. Une vie où tu te poses des questions, une vie où une fleur peut plus ressembler à une fleur, une vie où tu ne paniques pas, mais où tu commences à comprendre que le fait que l'être humain a un rôle sur le plan planétaire, pas parce que je vais le dire, tu conscientises des choses qui souvent frustrent et choquent parce que tu vois, mais juste passer, mais de toute façon, toute l'humanité aura passé par ce phénomène-là où il devra voir un peu plus, mais pas assez. Puis, au niveau du séminaire, bien, l'individu qui fait le séminaire, il est normalement prêt à cela. Et puis après un laps de temps, bien nécessairement, le monde change. Fait que ce qui se réincarne change aussi. Un imbécile ne se réincarne pas dans le corps d'un cochon, ni dans le corps d'un être qui est en train de muter non plus. Si plusieurs âmes se réincarnent dans un corps physique, pourquoi la population terrienne ne cesse de s'accroître? D'où viennent ces nouvelles âmes pour combler le taux d'accroissement? 5 milliards d'habitants, pourquoi? Bon, 5 milliards, quelques millions, mais on approche de la fin de l'extension biologico-humaine sur le plan planétaire. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'âme est constituée par l'expérience du monde de la mort. Étant donné qu'il est constitué par l'expérience du monde de la mort, il n'y a pas un nombre d'âmes limité. Plus l'être humain vit de l'expérience, plus il nourrit le monde de la mort. Plus il nourrit le monde de la mort, plus il crée de matière astrale. Plus il crée de matière astrale, plus ça peut se réincarner chez l'homme. Alors, nécessairement, il n'y avait pas beaucoup d'âmes à l'époque où il n'y a pas beaucoup d'hommes, parce que l'expérience était relativement limitée. Une expérience plutôt animale, où tu t'approchais sur un dinosaure ou sur un mammouth, un smilodon ou un ours des cavernes. Tu le bouffais cru. Lentement, ben, tu te brûlais avec le feu. Tu le faisais cuire. Et puis après ça, ben là, on a eu l'évolution jusqu'à aujourd'hui. Plus il y a d'expériences complexes à travers ce que l'être humain vit, donc dans la création du culte des ancêtres, il engendrait les égrégores. Plus on les nourrit à la longue, à force de venir animer des corps sur le plan planétaire, plus on grossit la sphère du monde de la mort. Et le 17e siècle, 14e, 16e, 14e, 15e, 16e, 17e siècle a été extrêmement efficace dans l'augmentation du phénomène du monde de la mort. C'est pourquoi, subitement, par la suite, il y aura une élaboration rapide, une prolifération rapide de l'espèce humaine. Et donc, il n'y a pas un nombre d'âmes limité. Dans le monde de la mort, c'est de la matière qui, dans le corps de l'homme, devient une matière plus délimitée qu'on appelle un âme. Et on approche d'un temps où l'expérience de l'homme va faire en sorte qu'il va entrer en contact avec une conscience supramentale qu'on appelait antiquement l'Esprit-Saint. L'être humain aura une conscience non pas rayonnante suite au contact d'un être particulier comme le Nazaréen, mais il aura une conscience propre, individuelle, sera centrée dans son intelligence. Immédiatement, l'expérience hormonale qui est caractérise l'animal humain qui évolue sur le plan planétaire depuis un peu plus de 32 millions d'années va cesser. Et immédiatement, le monde de la mort va arrêter d'être nourri. Ça va prendre peut-être quelques purifications planétaires, et ça, l'homme ancien va s'en occuper, qu'on parle d'apocalypse ou quoi que ce soit. Et puis, à un moment donné, le monde de la mort sera tellement pas nourri qu'il va commencer à se faire disparaître. L'être humain va devenir de plus en plus immortel du point de vue du monde de la mort, c'est-à-dire qu'il ne se réincarnera pas. Ou bien simplement, son corps physique meurt, il est instantanément réincarné, il le sait, il reste individuel. Et il va venir un temps où le monde de la mort n'existera plus. Alors ceux qui, pendant une certaine période apocalyptique, ont dit que l'être humain cherchera la mort, ne la trouvera plus, c'est normal, parce que tout le monde de la mort sera réincarné à l'intérieur d'individus. Les parties belligérantes à l'intérieur de l'homme ancien, les parties hautement ascendantes à l'intérieur de l'homme nouveau. Et on pense qu'il peut y avoir une guerre entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Il y aura une guerre entre l'homme ancien et l'homme nouveau. Il n'y aura pas de guerre entre l'homme nouveau et l'homme ancien. Et il y aura une guerre entre l'homme ancien et l'homme ancien. Alors, il n'y a pas d'âme prédéterminée. Quand on dit qu'il y a une région du monde de la mort où se créent les âmes, certains occultistes ont parlé de cela. En réalité, la région du monde de la mort où se créent les âmes, ça s'appelle biologiquement l'utérus. Bon, ils ne le savent pas. Ils allaient voir qu'il y avait des entités bizarres, mais ça va de soi. Ce qui est en train de se faire là, c'est deux cellules connectées ensemble. Nous venons surmultiplier en 20 ou 30 000 cellules, mais il n'y a pas de consistance particulière. Et surtout que là, lorsque les cellules commencent à proliférer, ce qui se réincarne sont des mémoires antédiluviennes qui finalement vont faire en sorte que va pouvoir repasser toute l'humanité réincarnationnelle à travers la lignée. Donc l'enfant qui vient au monde est réincarnationnellement parlant toutes ces lignées familiales, depuis le début de la création, disons, de la descente du point de vue lunaire, qui a été une base temporaire, ce qu'on appelle les ténières de la Lune, du contexte humain sur le plan planétaire. Il n'y a pas un nombre d'âmes limité. Comment l'amiral Nelson a-t-il pu se réincarner chez toi alors qu'il a été dissous dans le monde de la mort? Voilà, c'est que moi, j'ai des parties, comme tout à l'heure j'expliquais. Alors, quand on va fouiller, je suis la réincarnation, je veux dire, j'ai un nom. C'est faux ce que j'allais dire, mais disons que j'ai une partie égoïque et astrale qui est la réincarnation de parties marines, en l'occurrence de l'amiral Nelson et de ceux qui l'ont côtoyé, et d'un paquet d'autres phénomènes. Je suis constitué d'un peu plus de 800 réincarnations qui sont maintenant relativement fusionnées, et pendant un laps de temps, alors que j'avais besoin de mémoire de marin, eh bien, je me suis connecté à un de mes canaux, et puis là, j'ai pu découvrir effectivement certaines choses. Mais l'amiral Nelson, s'il est réincarné chez moi, il est réincarné dans peut-être 30 000 Anglais et dans peut-être quelques autres personnes, en l'occurrence quelques Espagnols qui étaient emballés, quelques Français. Il est réincarné dans plusieurs choses, il y a des copies conformes, c'est une mémoire. Alors, je ne suis pas l'amiral Nelson réincarné. Par contre, il y a de l'amiral Nelson en moi, comme il y en a dans plusieurs autres. Il y a même une barre de chocolat, entre autres, qui... Mais l'ayant digéré, quand tu l'as digéré... Oui, maintenant, il n'y a plus de... Maintenant qu'Amiral Nelson, la réincarnation mémorielle d'une partie d'Amiral Nelson est digérée, il n'y a plus d'Amiral Nelson en moi. Seulement que les mémoires. Même plus. Seulement l'énergie qui était cristallisée sous forme de mémoire. Maintenant, il n'y a même plus de mémoire. Mais qui donne accès à la mémoire des choses... Ah non, c'est l'ajusteur de pensée qui me permet de fouiller où ça me tente. Donc, si j'ai besoin encore d'apprendre la voile, eh bien, je vais aller voir là où on a besoin. Est-ce que dès qu'il y a désir, c'est involuant? Non. Dès qu'il y a désir, c'est évoluant. Dès qu'il y a désir, il y a risque de frustration. Frustration égale sécrétion hormonale égale transformation corporelle, donc mutation, donc évolution. Dès qu'il y a désir, il y a évolution, mais tant qu'il y a désir, c'est relié à l'évolution de ce que moi j'appelle l'animal humain. Ce n'est pas péjoratif, c'est simplement qu'il y a une mutation endocrinienne et biologique qui est similaire à ce que l'animal va vivre. Même si l'animal n'ayant pas de conscience à l'intérieur de lui ne peut pas légiférer ou ne peut pas créer une évolution améliorative, il ne peut créer qu'une évolution adaptative. Alors, lorsqu'il y a désir, il n'y a pas nécessairement, il n'y a pas involution, il y a plutôt évolution, mais ça s'adresse quand même à un être humain qui a encore de l'ego. Est-ce que cela faciliterait le contact avec l'esprit de se situer dans une salle où l'eau coulerait de chaque côté, comme tu l'expliquais? À la seule condition qu'il y ait un ajusteur public, un ajusteur collectif, un ajusteur de pensée collectif près de l'individu. Et si les corps physiques sont prêts à le recevoir? Exact. Aussi. Si on prend une idée d'un corps physique qui n'est pas prêt, qui se place dans une salle comme ça, eh bien, il panique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de contact stimulant du point de vue du monde de la mort. Il n'y a pas d'ajusteur de pensée pour stimuler son autre contexte énergétique. Alors, il devient un être humain qui est totalement abandonné. Abandonné, l'anti-homme, l'homme panique au coton parce qu'il n'y a aucun centre de référence et c'est le suicide. Alors, si on a un individu qui a un corps physique suffisamment capable de supporter la pression de l'anti-homme qui n'a plus aucun contact avec rien, 30 personnes que tu mets dans un mur, tu enfermes tout au complet, puis on appelle ça sanctuaire. Bon, il y a 9 ans de temps là-dedans. Après 9 ans, ça veut rester, c'est 21 ans. Faut pas avant ça. Ben, c'est ça qui arrive. Sauf que les murs permettent à l'individu de faire des voyages astraux. Ils permettent à certains processus du monde de la mort de pénétrer là. Ça dépend de l'encens qu'on met autour, de tout, bon. Mais l'individu n'est pas totalement hors contact. Mais dans ce que moi j'ai expliqué, l'individu est hors contact. Alors, le stress, on peut s'imaginer qu'est-ce que ça donne. Pas de lumière, une petite cabane de rien, où est-ce que tu as à peine la place pour te lever. Reste 9 ans là-dedans, ou reste 5 un peu là-dedans. Bon, ben, c'est un peu la même idée au niveau du contexte de l'eau. Et puis, l'individu va rester... c'est dangereux. Et si on parle d'un corps physique qui est capable de le supporter, ben, il devra avoir un ajusteur de pensée. L'ajusteur, c'est du plasma ronciel, ça traverse l'eau. Sinon, ben, ça ne sert pas grand-chose. Pour ne pas aller dans le monde de la mort pendant mon vivant, il y a quelque chose à faire. Mon problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Pour ne pas aller dans le monde de la mort pendant mon vivant, il y a quelque chose à faire. Mon problème, c'est que je ne sais pas quoi faire. Il y a effectivement quelque chose à faire et la personne, c'est exactement ça qu'elle fait. Alors qu'elle continue à faire. Lorsque le double éthérique complété est complété, sous-entendu, peut-on désirer consciemment sa fusion avec le corps présent ou l'abandonner pour un plus nouveau serait plus adapté? Lorsqu'on a un corps double éthérique qui est suffisamment constitué pour commencer une fusion, on va conserver le corps qu'on a et il va devenir celui qu'on a besoin. Utiliser le filtrage pour amener certaines qualités de nos vies antérieures ne serait-il pas dangereux pour réincarner la personnalité au complet? Bon, c'est bien évident que si, pour utiliser un filtrage, on décide qu'on est Marie-Madeleine ou qu'on est Napoléon, puis là, on met le chapeau, puis on met la main, puis on s'habille pareil, là, effectivement, on va réincarner les mémoires de ce défunt-là, même s'il est réincarné déjà ailleurs, la copie reste en haut, puis on va avoir une copie en bas. Sauf qu'on va en même temps réincarner toutes les mémoires de ceux qui ont parlé contre Napoléon, qui ont parlé pour Napoléon. Fait qu'on risque de ne plus savoir non plus que l'homme de Napoléon va être. Alors ça, c'est une problématique. Tandis que si on décide simplement d'être un être humain pacifique, on réincarne du phénomène pacifique. Alors il n'y a pas de danger de ramener une personnalité globale complète. Alors c'est quand on parle de filtrer en termes de qualité, mais pas en termes, disons, d'objectifs personnalisés ou identifiés. Est-ce que les techniques existent pour briser la mécanique mort et réincarnation? Oui, il y a des techniques planétaires qui sont présentement à la disposition de l'humain pour justement lui permettre d'arriver à une anégoïsation, sauf que cette technique-là, étant donné la qualité génétique de la majorité des êtres humains, dans une pratique intensive, nécessite plusieurs années. Et présentement, même si ces techniques existent, elles ne s'adressent qu'à des humains nord-planétaires, disons occidentaux ou américains, et donc russes, soviétiques, britanniques, américains et canadiens et japonais et bon, quelques-uns comme ça. Et la majorité de ces individus-là ont un problème, c'est qu'ils sont dans un monde industrialisé où le temps est de l'argent et finalement ils n'ont jamais le temps. Alors, ceux qui pourraient pratiquer les techniques, le nombre d'années nécessaires avec l'intensité nécessaire, sont des peuples qui ne peuvent pas bénéficier des techniques. Tandis que les peuples peuvent en bénéficier, n'ont pas la volonté karmique ou la volonté temporelle de mettre le temps, pas tous. Il y en a quelques-uns, c'est des exceptions. Dans quelques années, plus tard. Ceux qui sont prêts. Ceux qui sont prêts, ça veut dire pas beaucoup, il y a quelques personnes, mais encore là, pour beaucoup de gens, ça peut prendre 15 ou 20 ans. Pourquoi? Parce qu'ils mettent simplement quelques heures par semaine, disons, dans une structure de cellularisation évolutive. Un individu va dire, oui, mais si tu peux me garantir que... Alors, on peut garantir n'importe quoi, mais il y aura toujours l'antihomme pour te dire que finalement, ta garantie... Parce qu'en somme, la réalité de ça, Daniel, c'est la vie. Mais sauf que la vie, le problème que c'est qu'elle prend toute la vie. C'est le problème. Ouais. Mais elle prend la vie qu'elle doit prendre lorsqu'elle la prend. Oui, mais on peut s'arranger pour avoir une cinquantaine d'années de break, 10 ans de travail intensif. Et pour cela, il faut faire un peu comme le Nazaréen disait, c'est que prends tout ce que tu as, vends-les, prends l'argent, donne-les aux autres. Puis après ça, plaque-toi au Christ, puis suis-les. L'énergie christique, c'est nécessairement l'énergie supplémentaire. Okay. Sauf que l'individu se dit, oui, mais qu'est-ce qui me prouve que... Ça revient aux mêmes questions que s'est fait poser à ce moment-là. C'est la même chose. Mais ça marche. Comment discerner et choisir d'attirer les bonnes entités? Discerner et choisir, c'est extrêmement facile. On a tous suffisamment de conscience, donc on a suffisamment de possibilités d'exprimer l'intelligence, alors c'est facile de savoir qu'est-ce qui doit être fait. Polluer, c'est pas correct. Tuer, c'est pas correct. Voler, c'est pas correct. Sauf quand c'est correct. Et on a suffisamment de discernement chez soi pour arriver à faire. Alors, on fait ce qu'on continue à faire. La grosse question se répond toujours par la même chose. Continuez à faire ce que vous faites. Vous ne savez pas ce que vous faites, mais vous le faites bien. Mais étant donné que l'humain a une partie égoïque qui veut une confirmation, qui veut une accréditation, qui veut un contrat signé, qui veut une preuve, qui veut... Voyez-vous, l'aveugle ne pourra jamais avoir la preuve qu'un aveugle peut voir. Parce que la journée qu'il voit, il n'est plus aveugle. La journée qu'il est aveugle, il ne voit pas. C'est un peu la même chose. L'ego veut avoir la preuve de l'immortalité, mais quand l'être humain est immortel, il n'y a plus d'ego. Mais qu'est-ce qui va devenir immortel? L'ego. Mais qu'est-ce qui va devenir? Pas l'ego. C'est le problème. Est-ce qu'il y a une évolution? L'âme veut évoluer. L'âme, elle apprend. Elle apprend, elle ravance des mémoires de ce qui évolue. Qu'est-ce qui évolue? Le corps physique évolue, le corps vital évolue, le corps supramental évolue. Le corps mental évolue pas, l'âme n'évolue pas. Mais qu'est-ce qui veut évoluer? L'âme. Hein? Je commence mon séminaire, je dis toujours ça aux jeunes. Je te fais fourrer en faisant mon séminaire. Vos égos vous ont inscrit, on pense toujours travailler contre lui. Bon. C'est plaisant. Mais il y a toujours une partie d'intelligence qui manipule l'ego, qui manipule ceci, qui manipule cela, et puis ça fonctionne. Sauf que c'est comme ça que ça marche. Alors lorsque l'on pose des questions, il y a des grandes questions, ça ne sert à rien. Continuons à faire ce qu'on fait. Ouais, mais là je souffre. Justement, en souffrant, tu sécrètes, tu endurcis ton corps physique, tu mutes, tu vas arriver à un contact non souffrant. Mais il va savoir comment l'avoir. Non. Pourquoi? C'est pas utile pour une conscience de savoir qui est conscient. C'est utile pour un égo de savoir qui est conscient. Mais l'égo, qui sait qui est conscient et pas conscient, il a besoin de savoir. Donc, il a besoin de dire, hey, je suis conscient, la preuve hier, j'ai, donc, c'est de l'apprentissage mémoriel, c'est pas une conscience. Je pense, donc, je suis. Je pense que je pense que je suis, donc, je pense, donc, je suis. Mais t'es carrément mort. Lorsque tu deviens conscient, t'as plus besoin de le savoir. Puis quand tu ne l'es pas, tu veux le savoir, finalement, il y a un gros problème. C'est le contraire, c'est lorsque je pense, je ne suis pas. Bien, ça va de soi. Alors, tout ce qui fait évoluer l'humain, c'est la seule chose qui évolue pas. C'est ça qui va évoluer. Quand tu parles de réincarnation de Jean le Baptiste, des apôtres, du comte de Saint-Germain, de quoi s'agit-il? De leur ego, de leur conscience? Dans beaucoup de cas, c'est de leur ego, et dans plusieurs cas, c'est de leur conscience. Mais dans le cas des apôtres, dans le cas de Lazare, dans le cas de Saint-Germain, c'est Lazare, dans le cas de d'autres personnages qui ont entouré le Nazaréen et qui ont entouré d'autres personnages dans d'autres temps et dans d'autres continents, dans d'autres espaces, ces personnes-là n'ont pas gagné le monde de la mort, c'est-à-dire qu'il y a énormément de mémoire d'eux-mêmes dans le monde de la mort, mais ils avaient un contrat avec l'intelligence et ils ont été en attente de quelques secondes astrales et de quelques centaines ou milliers d'années planétaires pour revenir, continuer dans une conscience particulière à accomplir une tâche. Lorsque Lazare s'incarne, c'est la conscience. L'ego de Lazare a été amené avec, avec Jean le Baptiste lorsque le Nazaréen a ramené Lazare. Il a ramené en même temps Jean le Baptiste en termes réincarnationnels à l'intérieur. Et à un moment donné, Lazare se sépare de Jean le Baptiste, qui devient Jean de Patmos et qui va écrire les prophéties d'Apocalypse. Suite au contact avec Lazare, il aura vu des choses. Et l'ego de Jean le Baptiste s'est réincarné, a été fusionné, digéré. Lazare, c'est de la conscience, ça s'incarne, ça digère, ça fusionne, mais ça n'est pas digéré, ce n'est pas fusionnable. Et quand on parle des apôtres, bien les apôtres, c'est un peu le même phénomène que Jean, qui est un apôtre antérieur, disons, au phénomène de l'apostolat. Alors, les apôtres sont des égaux aussi, et presque pas de conscience, mais des réceptacles énergétiques d'une expérience particulière sur la planète Terre, qui va se réincarner dans certains individus suffisamment puissants qui auront une génétique, disons, apôtre. Et l'ego va simplement venir confirmer à l'individu qui va le recevoir que l'être humain est autre chose que de la boue. Tu as déjà dit que l'âme restait prisonnière sous l'eau. Là, tu dis que mangée par les requins, elle retourne plus vite dans le monde de la mort. Qu'en est-il vraiment? Quand je parle que l'âme reste prisonnière sur l'eau, on parle d'une grande partie des bas-fonds du phénomène astral. Lorsque le requin bouffe, lorsqu'un animal mange, un corps qui est pétrifié sous l'eau reste sous l'eau. Lorsque, tout à l'heure, on parlait justement du requin qui le mangeait. Lorsqu'un animal le mange, l'animal est un être vivant, et même s'il est en contact avec l'eau, il gagne régulièrement la surface. Il va, premièrement, pouvoir rayonner de l'être humain à l'extérieur, surtout le requin qui est le vidangeur, qui sert à cela. Le requin a servi à bouffer l'humain dans le passé, à l'empêcher de regagner l'eau. Le dauphin servait à le pousser. Et une grande partie de ce qui constitue l'âme au niveau des sphères extrêmement subtiles, lui sort de l'eau, ne reste pas dans l'eau. On peut constater qu'un être humain, de toute façon, il y a des... L'être humain de son vivant a un phénomène attractif extrêmement important. Et lorsque l'être humain de son vivant fait de la plongée sous-marine, il perd graduellement certains contacts avec des sphères spirituelles, et c'est celle-là qui gagne le monde de la mort. Moi, quand je parle de l'âme de l'homme, ce qui m'intéresse, c'est toujours la partie hautement évoluée et non pas les parties basses qui peuvent rester ou ce qu'ils voudront rester, soit dans un animal, soit dans, on parle d'exorcisme dans un cochon, on s'en balance. Lorsqu'on parle du monde de la mort, un âme qui est enfoui sous l'eau, donc on parle d'un corps antérieur, et ça dépend toujours des contextes des choses. Aujourd'hui, les humains, il y a énormément d'humains qui vont mourir sous l'eau, qui vont rester sous l'eau. On parle d'humains qui n'est pas mangé, qui n'est pas transmissible par l'animal, qui ne peut pas être pêché, ou qui ne peut pas de temps en temps sortir et respirer à l'extérieur de l'eau. Respirer, du moins se promener à l'extérieur de l'eau, puisque nécessairement le requin, il ne respire pas, il respire dans l'eau. Et ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est qu'il y a une chose importante, c'est que comme dans n'importe quelle nuance, quand je parle nuance, je parle de gradation, de densité astrale, un âme, prenons l'exemple d'un corps qui n'est pas mangé, mais qui se désagrège dans l'eau, eh bien, il y a une partie de cette âme, l'âme au complet reste, le monde de la mort est relativement aqueux, c'est-à-dire qu'il y a une correspondance relativement intéressante, et l'eau, c'est un grand dissolvant. Ça va dissoudre donc l'âme au niveau palier de l'océan, si on parle de l'océan. Et l'avantage qu'il y aura, quand je parle de l'âme qui gagne le monde de la mort, s'il est, disons, immergé, je parle du mot des parties les plus hautement intéressantes pour l'homme, les parties spirituelles, celles qui vont flotter à la surface de l'océan et qui vont avoir l'avantage d'être libérées dans le monde de la mort par l'évaporation de l'eau de surface et par le remue-ménage des vagues. Alors que quand je parlais de l'âme qui était emprisonnée, on ne parlait pas de l'âme d'un maître, de l'âme de ce genre de personne. Est-ce qu'il y a une différence avec l'eau salée et l'eau douce? Une majeure. Dans l'eau douce, c'est plus complexe que dans l'eau salée. Pour quelle raison? Pour la simple raison que l'eau salée a une densité plus prononcée, donc nécessairement les parties subtiles vont avoir une tendance à monter plus rapidement à la surface et pourront être évaporées et brassées plus rapidement. Tandis que l'eau douce, sa densité est plus faible, donc ce qui est plus massif au niveau de l'âme va rester plus facilement à l'intérieur de l'eau ou dans les bas-fonds de l'eau. Quand, à ce moment-là, est-ce qu'il y a un contact plus proche avec la Lune? Oui. Mais on fait contact avec la Lune qui disparaît. Est-ce que ça retarde ou ça... C'est intéressant, ça me met dans des places pas mal bizarres. Ça, effectivement, il y a un contact avec la Lune, un contact archétypal avec les seigneurs de la Lune, donc avec les gestionnaires de l'importation du règne humain sur le plan planétaire. Est-ce que ça retarde? Non. Parce que l'océan va nous servir à un moment donné énormément. Je parle à un moment donné, évidemment, c'est dans mes temps à moi, mais dans quelques milliers d'années, l'océan va cesser d'exister. Il y aura des choses là-dedans qui pourront servir de nourriture pour nous permettre une terrestrification finale avant, disons, la résorption du règne humain au contexte planétaire. J'ai rendu un petit peu trop loin. On reviendra un dimanche. Quand l'antihomme du Nazaréen a décollé, il s'est nécessairement réincarné à l'époque, puisque tu dis qu'un antihomme se réincarne immédiatement. Oui, l'antihomme du Nazaréen a décollé lorsque, dans la Bible, on parle du désert, mais ce n'est pas dans le désert que ça s'est passé. Et c'est là que l'antihomme du Nazaréen a décollé. Et depuis 100 ans, depuis ce temps, on a la connaissance plus posée du phénomène satanique. OK. L'antihomme du Nazaréen, lorsqu'il a décollé, n'était pas le même antihomme qu'on connaît aujourd'hui. Mais non. Parce qu'il avait fait un grand bout de chemin. Oui, mais c'est Satan. Évolutif. Ce qui est venu dynamiser les forces sataniques énormément pour leur donner une consistance particulière, ça a été un intensificateur satanique qui était l'antihomme du Nazaréen. Il n'a pas pu trouver aucun corps physique pour le réhabiliter, alors il est resté au niveau des forces sataniques, sataniennes, et c'est devenu une consistance religieuse extrêmement puissante. Est-ce que ça n'aurait pas été pour balancer le fait qu'il a sauvé le monde? Ben exactement, c'est évident que c'était pour équilibrer. Pourquoi? Parce que sinon, toute la planète Terre au complet aurait compris des choses. Le phénomène luciférien aurait pris trop le dessus et tout l'humain serait parti en laissant la planète Terre. Et nécessairement, étant donné que la création est accidentelle, l'être humain étant intentionnellement le résorbeur de cette création, il n'aurait pas accompli sa tâche. Donc, nécessairement, l'antihomme devait être suffisamment complémentaire au phénomène nazaréen. Je n'avais pas fini de lire la question, mais tu y réponds partiellement. À l'époque, chez qui s'est-il réincarné? C'est ça, il s'est réincarné chez personne. Il s'est réincarné dans le monde astral de l'époque. Pour renforcer... Il y a eu de temps en temps des petites réincarnations qu'on appelle des possessions. Mais parle, qui ont passé par travers là? C'est des doigts de Satan qui viennent faire baver quelqu'un. T'sais. Si les entités se réincarnent 24 heures sur 24, où est l'utilité de créer de nouveaux corps physiques puisque le monde de la mort peut se réincarner au complet par ce processus? Ça, je pense, Daniel, qu'il faudrait peut-être que tu expliques certaines choses parce que c'est pas tout à fait le même genre de réincarnation que les gens semblent comprendre. Bien, ce que les gens semblent, ça veut dire que la réincarnation, telle qu'elle est enseignée depuis le début des temps, est enseignée à des gens, puis maintenant, il faut qu'on comprenne que ce qui est enseigné est vrai, mais elle est tout à fait faux. Il manque beaucoup de. On parle ici, bon, si les entités se réincarnent 24 heures sur 24, où est l'utilité de créer de nouveaux corps physiques, puisque le monde de la mort peut se réincarner au complet par ce processus. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le monde de la mort ne peut pas se réincarner au complet. Pourquoi? Parce que lorsqu'il se réincarne à l'intérieur d'un corps physique, il y a toujours un temps où le corps physique n'a plus la consistance suffisamment solide atomiquement pour pouvoir supporter le poids écrasant de la réincarnation du monde de la mort. Et c'est ce qui engendre le vieillissement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le monde de la mort se réincarne et il veut bénéficier expérientiellement du corps physique. Et c'est lorsque, normalement, l'adulte devenant adulte, donc à l'adolescence, où on va commencer à fumer, à se droguer, etc. Il y a plusieurs choses qui ne sont pas bonnes pour les enfants, mais que les adultes vont faire. Aujourd'hui, les enfants sont plus nouveaux, fait qu'ils deviennent adultes plus vite, fait qu'évidemment, ils font des conneries plus vite. Mais on a donc un poids extrêmement pénible et lentement, ça désaffecte, ça désintègre le corps physique parfaitement. Il faut comprendre que l'âme est bâtie d'énergie vitale, tout à l'heure on l'a vu, et plus il y a d'expérience doit être mémorisée, plus ça prend d'énergie vitale. Ça donne que l'être humain, dans sa soif extensible de dominer là-haut, de se prouver qu'il a les barbites alors qu'il n'en a pas, il a pollué la planète Terre au complet. Une grande partie des énergies vitales vivifiantes humaines sont concentrées à faire survivre des grandes régions de notre planète, et c'est pourquoi dans les sociétés, on est plus fatigué, plus stressable, plus, etc., qu'à l'extérieur. Mais en même temps, on lutte plus rapidement parce que le corps étant embrassé au coton par le stress, etc., il devient plus solide. Ça crée une mutation lente et qui va paraître à un moment donné chez nos enfants. Eh bien, ça se réincarne jusqu'à temps que le corps explose. Et le corps explose par le processus de vieillissement où finalement les cellules ne se reconnaissent plus. Les cellules commencent à s'excréter, à excréter l'évolution. On appelle ça la division cellulaire. Mais finalement, les cellules qui partent, ce sont les cellules les plus évoluées, puis on conserve la vieille mémoire, qui est de plus en plus assujetti à la mémoire traditionnelle de ce qui se réincarne, et ça veut nous conserver comme on est, et finalement le corps meurt. Alors on a des enfants neufs, et des enfants neufs, génétiquement, ne sont pas altérés dans leur enfance, mais ils ont une génétique soit récessive, soit dominante, des caractères cellularisés de l'individu qui est mort de trop de réincarnation, et à un moment donné, effectivement, ça va se réincarner de plus en plus dedans. C'est pourquoi les enfants, et c'est pourquoi nous sommes nous-mêmes, comparativement à nos parents, beaucoup plus éveillés, nous cumulons plus de data et nous sommes capables de cumuler plus d'expérience, nous vivons plus longtemps, le corps est plus résistant à ce phénomène réincarnationnel et nous récupérons du monde de la mort beaucoup plus que dans l'Antiquité. Mais en même temps, nous nourrissons plus longtemps, nous vivons plus longtemps et c'est un échange énergétique jusqu'au jour où on aura des corps physiques tellement solides qu'ils vont être capables de permettre la réincarnation, d'avoir l'expérience planétaire. Mais la mutation aura fait en sorte que le système endocrinien, thalamien, hypothalamien, entre autres, ne permettra plus de nourriture aussi parfaite que nous le vivons aujourd'hui du point de vue de notre âme. Alors nous allons réincarner sans nourrir. Réincarnant sans nourrir, premièrement, il va y avoir une coupure des êtres de contrôle qui vont empêcher la réincarnation de venir nous nourrir parce que là, ils donnent, ils ne reçoivent plus. Alors ça va se réincarner surtout chez les hommes anciens, libérant totalement l'homme nouveau, créant ce qu'on va finir finalement... considérer sur notre plan planétaire deux humanités totalement différentes, une nouvelle, une ancienne. Et à un moment donné, ben, l'humanité ancienne va se faire la guerre parce que c'est traditionnel dans l'homme ancien de faire la guerre. Ça occupe des parties qui se réincarnent, qui ont besoin de vivre la guerre. Alors, ils vont s'entretuer, déchirer la planète un peu. Pendant ce temps-là, nécessairement, l'homme voudra, dans le monde de la mort, on voudra se réincarner. Il y aura de l'intelligence à se réincarner chez l'homme nouveau, mais chaque fois que le monde de la mort va se réincarner chez l'homme nouveau, va être digéré par l'homme nouveau. Alors nécessairement, l'homme nouveau va avoir un contact supramental par un ajusteur de pensée. Il pourra contrôler le canal réincarnationnel du 24 heures sur 24, contrôler l'être contrôle pour le fermer ou l'ouvrir, l'étrangler ou l'expandre. Et lorsque ça va se réincarner dedans, ce sera pour digérer. Et lentement, il va digérer le monde de la mort au complet, sans maintenant avoir à créer de corps physique, parce que le corps sera un corps tellement puissant qu'il sera capable de supporter et le poids de l'expérience de la vie, et le poids du contact d'une conscience avec l'instantané qui fait que tu brûles toutes tes mémoires qui te parlent des mémoires traditionnelles, et le poids des réincarnations qui viennent se brûler carrément au contact de l'intelligence à travers un corps physique nouveau. Et ça va se faire quand même dans les années qui viennent, mais ça commence. Alors, c'est ça qui est l'intelligence, ça se réincarne et ça a du corps physique, alors on crée des corps physiques, l'être humain crée des corps physiques, c'est lui. Mère parlait d'un mental des cellules. S'agit-il de la mémoire des cellules physiques avant leur réincarnation dans le monde physique à la mort de l'homme? Elle parle de cellularisation au niveau des cellules, des cellules, et qui sont normalement transmises par la génétique aux autres. Alors, c'est la mémoire physique à l'intérieur d'un code génétique, c'est une mémoire cellularisante qui est transmissible par les parents aux enfants et qui permet la préparation d'un corps avant la réincarnation. Pourquoi des entités ou des incarnations féminines ne pourraient pas se réincarner dans les corps mâles et vice-versa, si c'est possible, dans quel cas? Ça arrive à peu près jamais. Pourquoi? Parce que l'expérience astrale est une expérience femelle qui aime les corps femelles, l'expérience mâle est une expérience qui aime les corps mâles. Mais l'intelligence mentale, la logistique d'une femelle peut s'incarner dans un corps d'homme parce que ces deux-là peuvent comprendre l'intelligence. Quand une femme accepte l'idée qu'elle est un être dans un corps particulier, ses mémoires peuvent s'incarner dans n'importe quel corps, homme ou femme, parce que ça ne la dérange pas. Qu'est-ce qui fait qu'un esprit devient homo ou lesbienne et comment cela affecte son esprit? On l'a expliqué pour l'instant, on pourra à un moment donné revenir sur le sujet, mais là, ça... qu'est-ce qui attire l'esprit vers un corps handicapé que, vu que c'est le corps qui choisit? Ben, simplement que le corps a la faculté d'exprimer des expériences astrales d'handicapé, des expériences astrales de phénomènes qui ont connu l'handicap, et ça se réincarne là-dedans parce que ça vit là-dedans heureux. C'est une...